Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Du 9 au 11 août 2019 aura lieu la 18e classique de volleyball de plage Family Prix Jeannie Larouche à la Chutelourde de Normandin. Des joueurs de partout au Québec participeront à cet événement haut en couleur. J'invite les gens à venir en grand nombre au site touristique de la Chutelourde afin de voir du haut calibre de volleyball de plage. Félicitations à toute l'équipe d'organisateurs pour cet événement et je souhaite une bonne classique à tous. On va parler de lutte avec notre ami Fred Gagné de Kick 95,7. J'ai failli dire Radio X Saguenay. Tellement habitué de dire Radio X Saguenay. Salut Fred! Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Fred. Quand c'est une habitude, là, c'est très dur des fois ça défaire. Fred, on va parler de lutte. Je sais que tu es un passionné de lutte. Quand il y a des gros galas de lutte, on t'appelle. Et en fin de semaine, si je me trompe pas, je connais rien, mais rien à la lutte. Mais quand même, c'est le SummerSlam en fin de semaine. Et ouais. Si je me trompe pas, le SummerSlam, c'est après le WrestleMania, c'est le deuxième, c'est ça? Ben oui, parce que... Ben, est-ce que c'est le deuxième? Dans le... L'échiquier, là, je te parle de l'échiquier, là. Il y a toujours un Fab Four, un Big Four, un Top 4 des événements. C'est toujours... t'as WrestleMania au printemps, t'as Royal Rumble avant ça, t'as SummerSlam l'été, puis le Survivor Series. Alors, je te dirais que SummerSlam, pour moi, c'est le troisième plus gros événement. Le plus gros, c'est WrestleMania, Royal Rumble, puis ensuite, c'est SummerSlam en termes d'importance. Donc, le gala, en fin de semaine, oui, il est important, il est intéressant pour les fans, d'autant plus qu'il est en sol canadien cette année, en fin de semaine, dimanche, ça va être du côté du Scotiabank Arena à Toronto. Donc, si je ne m'abuse, c'est l'endroit où les Raptors et les Maple Leafs de Toronto font leur partie locale. Hey, ça t'a pas tenté d'y aller? Parce qu'à quelque part, t'arrives de... Je t'ai vu Facebook, sur les médias sociaux, t'arrives de Chicago. SummerSlam, ça t'a pas tenté? Je sais que le WrestleMania, t'es en plein dans les BBM. Je sais que c'est dur pour toi. Mais le SummerSlam, ça doit être quelque chose à voir aussi, là. T'as raison, ça me tente, mais là, à un moment donné... C'est l'argent qui manque, hein? Budget, puis tu dis ça, mais c'est une question d'argent aussi. Mais oui, Toronto, j'ai des amis du Saguenay qui, je pense, y vont. Toronto, présentement, il reste encore des billets. Il y en a dans le haut, dans le pit, à 60 piastres US, donc 80-85 piastres canadiens. Puis il y en a aussi à 400 piastres, pas loin du ring. T'en as à 2000 piastres dans les premières rangées. Il reste encore quelques billets, mais ça reste que ça va être... parce que c'est à Toronto, parce que Toronto, c'est un peu comme Montréal, la foule est imprévisible. C'est sûr qu'il y a de quoi de spécial, là, en fin de semaine, qui va se passer. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Je regarde, là, actuellement, sur Google. J'ai googlé SummerSlam, puis je vois une photo de le Ronda. Est-ce que c'est normal? Est-ce parce que Ronda avait pas lâché la lutte? Ben oui, elle a lâché la lutte. Là, présentement, elle n'est pas sur le programme officiel. On dit que ça pourrait être une des surprises dans la fin de semaine. Ronda Rousey, qui est une ancienne championne du UFC du côté féminin, qui a réussi quand même très bien à passer un bon moment du côté de la WWE comme fan de la foule. À la fin, on savait qu'elle voulait prendre un congé pour faire une famille. Donc, on l'a virée en méchante. Ça a permis de monter d'autres stars. Des rumeurs disent qu'elle pourrait être là en fin de semaine. Des rumeurs disent aussi que Sasha Banks, qui est une des bonnes filles de la WWE, pourrait revenir aussi. Je pense plus que les chances sont là de voir Sasha Banks, qui est une ancienne championne, celle qui a les cheveux roses, qui est plus là parce qu'elle est un peu en grippe avec la compagnie depuis une couple de mois. Ça pourrait être une surprise intéressante qu'on verra probablement ce soir, là, pas ce soir, mais dimanche, là, dans le combat entre Becky Lynch, la championne, et Natalia, qui se trouve être la Canadienne de service en fin de semaine, qui vient de Calgary, qui vient du coin de la même famille que Bret Hart et Jim D'Anvil. En fait, c'est la fille du regretté Jim D'Anvil Neidhart. Elle a un titre, possibilité de championnat. Est-ce qu'elle peut gagner vu qu'on est à Toronto puis ça fait plaisir aux fans? C'est pas impossible, mais il y a encore un gros buzz sur l'Irlandaise Becky Lynch. Fait que normalement, s'il y a une surprise, ça va être dans le combat féminin là, que je viens de vous nommer. Il y a une Canadienne, il y a un Canadien, Kevin Owens. Vu que c'est en sol canadien, est-ce qu'il y a des chances de le voir? Oui, il va être là. Il va affronter le fils du propriétaire, c'est-à-dire Shane McMahon. Un combat intéressant où, il devrait gagner parce que s'il perd, il quitte la compagnie. La clause comme telle, c'est que si Shane perd, il quitte la compagnie. C'est donc normalement son contrat est pas échu, on devrait le voir gagner. Dans les autres belles surprises qu'on a essayé de builder aussi, c'est que il y a une fille que ça fait longtemps qu'il n'était plus, ou très pratiquement, c'est Trish Stratus, qui est une fille de Toronto, qui a été une des divas les plus populaires à l'époque. Elle effectue un retour, ça aide à vendre des billets à Toronto, bien évidemment, qui affronte la fille de Ric Flair, Charlotte Flair. Ça peut être intéressant, là, mais c'est plus pour vendre des billets, là. OK. Dis-moi aussi, il y a toujours un... Ben, je sais que dans WrestleMania, ça arrive. Il y a toujours un invité spécial qui est là dans, au WrestleMania. Est-ce que le SummerSlam, il pourrait avoir quelque chose? Ça pourrait être Ronda, dans le fond? C'est pas impossible qu'il y ait une, en anglais, on dit un host spécial, mais ça me surprendrait. Mais honnête avec toi, là, l'histoire de Ronda Rousey, moi, personnellement, j'y crois à peu près pas. OK. OK, OK. Dis-moi... donc, c'est les gros combats qu'il faudra surveiller au cours de la journée. Dis-moi, puisque je t'ai... apparemment que la WWE est rendue avec, un compétiteur. Il y a une ligue de nouvelle ligue de lutte qui est faite par TNT. Oui, oui, oui. Est-ce que ça... ça ouais. Est-ce que ça peut devenir vraiment un show par semaine? Est-ce que ça peut devenir un compétiteur sérieux à WWE? Ben, l'histoire, c'est que la AEW, qui est une compagnie qui s'appelle All Elite Wrestling, il y a des anciens de la WWE qui sont là, mais pas tant que ça. T'as beaucoup de gars de lutteurs indépendants qui ont une bonne cote de popularité qui se sont ramassés là. Chris Jericho est allé faire un tour là présentement, il est dans ceux qui ont parti ça. Et tu peux bien partir une fédération de lutte comme tu veux, tu peux bien faire venir des vieux has-been comme tu veux. Mais à un moment donné, au bout de la ligne, si tu veux rester, il faut que tu ailles un deal de télévision. Et là, ce qu'on voit, c'est que non seulement le gars qui a parti cette fédération-là, la AEW, et non pas la AWE, ça c'est la fédération Chicoutimi-Nord, pas pareil partout. Ceux qui ont parti ça se sont ramassés avec un gars qui multimillionnaire, milliardaire, un gars qui a beaucoup d'argent, donc qui est capable de donner des bons salaires aux lutteurs, un peu comme dans WCW dans le temps avec Ted Turner dans les années 90, où le gars il était plein de fric, ça lui dérangeait pas d'en perdre un peu, il pouvait donner des gros contrats pour faire suer Vince McMahon. Et ils ont également, en théorie, un deal de télé, parce que maintenant, tout se passe avec la télé. Donc ça, c'est bien important. Là, présentement, Vince McMahon essaie de voir comment il peut contrecarrer ça. Mais c'est la première fois... Ce qui est intéressant avec la AEW, c'est que c'est la première fois qu'il y a un gars qui a une fédération de lutte puis qui a de l'argent plein les poches, qui peut combattre à quasiment armes égales avec Vince McMahon. Parce que t'as d'autres fédérations qui existent. T'as Impact Wrestling, t'as la Ring of Honor, t'en as d'autres aussi. Mais ceux-là, au niveau de l'argent, des fois, ça en va rien et ça part. Mais ceux qui sont là présentement, c'est intéressant parce que dans le monde du showbiz, c'est de l'entertainment, la lutte. C'est une question d'argent. Puis comment tu peux en gagner? Comment tu peux en perdre? Quand t'en perds, es-tu capable de te faire longtemps? Alors là, pour la première fois, t'as des gens qui sont sérieux. D'autant plus que les fans qui sont intenses, là, les fans hardcore, les geeks de lutte, aiment beaucoup ce qu'ils voient du côté de la nouvelle fédération. Donc, je pense pas qu'ils vont réussir à faire tomber la WWE. Oubliez ça. Mais, ce sera des gens intéressants parce que ils vont assurément finir par signer des gros noms parce qu'ils ont des bons salaires à offrir et ils offrent des horaires de travail allégés. C'était un peu le principe de la WCW à l'époque, qui ont quasiment, à un moment donné, quasiment viré Vince McMahon bankrupt. C'est-tu un peu comme le UFC avec contre le Bellator contre le UFC? Parce que Bellator, c'est des gens qui sont très riches aussi, là. C'est pas... Ben, oui, sauf que, tu sais, en fait, il y a tout le temps deux affaires dans la vie. T'as combien d'argent, c'est-à-dire que combien t'as d'argent à perdre au début, puis tu sais combien de temps tu peux prendre des mauvais coups financiers, puis ta crédibilité. Là, présentement, la nouvelle compagnie a de l'argent, c'est parfait. Ils ont des lutteurs très, très, très intéressants, mais la crédibilité, ça se bâtit pas en un jour. Ça se bâtit en termes d'années, ça se bâtit au fur et à mesure. Là, ce qu'il va falloir qu'ils fassent, c'est offrir des bons combats, offrir, s'ils font de la télévision, offrir à la télévision des bonnes émissions avec des bonnes histoires. Puis à ce moment-là, ils vont aller gruger des parts de marché, mais ça se fait pas en un jour. Ça se fait graduellement. Puis du côté de... Tu parlais de Bellator, tout ça. Bellator, c'est un peu le problème. Il y avait des gars intéressants là-dedans, mais il y avait un maudit paquet de has-been qui était plus assez fort pour le UFC. Fait que pour la crédibilité, c'était dur pour eux autres aussi. Il y a peut-être Rory McDonald, le seul qu'on connaît, là, qui est vraiment fort. Là. Tu sais, il y a beaucoup de has-been qui vont faire un tour dans Bellator, puis c'est correct, ils vont encaisser un chèque. Mais c'est des gars qui sont plus capables de se battre dans le UFC. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était un peu ça. Puis la WCW, c'était ça pendant un bon moment aussi. C'est-à-dire qu'ils envoyaient les has-been signés là, mais à un moment donné, il y a tellement eu de has-been que les gens étaient contents d'en trouver Hulk Hogan, Macho Man, Razor Ramon, puis Diesel. Puis là, à un moment donné, on était là, ils sont tous là. Fait qu'on va y aller aussi. Mais on verra. Mais la compétition, faut savoir une chose. La compétition dans le sport, même si la lutte, c'est en partie du spectacle, c'est bon parce que là, ça force la WWE à travailler fort, à revoir leur scénario. Puis on va être honnête, la WWE offrait depuis peut-être une couple de mois, même, je te dirais même depuis une couple d'années quasiment, des scénarios très poches, beaucoup trop familiales, ça manquait d'audace. Là, présentement, ils ont retrouvé un peu ce qu'on appelle un edge. Ils sont plus intenses dans leur scénario, plus, je dirais pas plus violent, mais plus agressif un peu dans leur manière de faire. Moi, ça me rappelle un peu une certaine époque où la WCW le soufflait dans le cou, puis ça les obligeait à se réinventer. OK. Fred, très intéressant, ça commence dimanche soir à 18h, c'est à Toronto, c'est présenté sur WWE Network, un canal de lutte, donc ça pourrait être intéressant. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de publicité, donc ça y va directement. Donc, oui, puis à vérifier, là, je n'ai pas l'information à 100%, mais il se pourrait que pour la première fois, si tu l'as avec les réseaux francophones, que tu aies directement le feed francophone avec Raymond Rougeau puis Jean Brassard. Il se pourrait que ce soit la première fois que tu peux l'avoir en direct. Ah oui, OK, ça serait bon, ça serait très, très bon. Ben, en parlant de francophone, Fred, j'écoute beaucoup le 91.9, ton ancien membre de ta famille. Oui, puis cet été, ils ont tellement de misère à se trouver des sujets à l'été, c'est abominable. Là. Ils ont fait une ligne ouverte sur la lutte, puis apparemment, ils ont reçu des appels comme ça se peut pas, autant pratiquement que l'hockey. Es-tu surpris de ça? Absolument pas, parce que... tu sais, la lutte, présentement, ça existe présentement, c'est correct, mais ça fait tellement longtemps que ça existe, fait que les jeunes, présentement, bon, ils écoutent la lutte d'aujourd'hui, si t'es en trentaine, tu te souviens de telle époque, si t'es dans quarantaine, tu vas te souvenir de telle époque, autrement dit, si t'es dans trentaine, tu te souviens du rock, de Stone Cold, pis ça, c'était des belles années, si t'es dans quarantaine, tu vas te dire, je me souviens du Big Boss Man, je me souviens de Hulk Hogan, Macho Man, si t'es dans les années, si t'as 50 ans, tu vas te dire, hey, moi, j'ai connu les frères Rougeau, j'ai connu ci, puis si t'es plus vieux, tu vas te dire, ah, j'ai connu les ci, les ça, donc, toutes les époques démographiques ont eu leur période, donc tu peux tout t'associer à quelqu'un. C'est pour ça qu'un gars de 18 ans pouvait appeler sa ligne ouverte, puis tu peux en avoir un de 70 ans qui appelait aussi, puis tout le monde avait du fun. Là. Ouais, effectivement. Fred, on t'écoute avec Simon Tremblay qui est en vacances actuellement, puis nous, on écoute ça dimanche soir pour les amateurs de lutte. WWE Network, possibilité en français à compter de 18h en direct de Toronto. Les fans de Toronto, en général, pour la lutte, sont bons. Ça va être intense. Oui. De Fred Gagnon, on se parle au prochain gros show de lutte. T'as mis Fred Gagnon.